dans la chaumière. Il y avait ma mère qui faisait des plats chauds dans la chaumière. Vous sentez en lisant ceci que j'ai eu du mal à faire ma première communion. Ça dit, c'est très mal, hier. Cependant, pendant ce séjour en Bretagne, dans la chaumière, près de mon usine pétrochimique, je pouvais rôter tranquillement, sans embêter les doryphores. Il faisait chaud dans la chaumière, il y avait ma mère, qui faisait des plats chauds dans la chaumière. Vous sentez en écoutant ceci que ça pue. C'est normal. Ma vache a pondu un œuf. Ouais. Mais la Fanchon, elle baissait bien la Fanchon. La Fanchon, c'était ma poule. Il faisait chaud dans la chaumière. Il y avait ma mère qui faisait des plats chauds dans la chaumière. Vous sentez en reniflant ceci que ma Fanchon, elle avait du lait. En effet, c'était ma poule. Mais cette pute de ceinture, ça cravait dans le turlupin de ma bite, dégénéré dans un sac en plastique qui pète comme une trou défendue par un broyeur. Yes. Il faisait chaud dans la chaumière. Histoire, elle date pas d'hier. Et pourtant, monsieur Lévy, il faisait chaud dans la chaudière.